Épilogue. Voilà donc à peu près l'essentiel de la vie des fourmis, incontestablement supérieure à celle des abeilles, qui est extrêmement précaire, asservie, surmenée, de petite santé, et somme toute très brève, comme à celle des termites, féroces, incarcérées, furtives, barbares, impitoyables. Supposons un instant que nos sens soient adaptés au milieu où elles se complaisent, que nos yeux aiment l'obscurité, notre palais les mets, notre nez les odeurs qu'elles recherchent. Que représenterait pour nous, agrandie à notre taille, une vie de ce genre? En balance de la nôtre, serait-elle plus ou moins supportable, plus ou moins inutile, plus ou moins explicable, plus ou moins désespérante? À moins que des découvertes ou des révélations que nous apporteront peut-être les siècles que nous avons encore devant nous n'améliorent et ne transforment singulièrement nos âmes et nos corps, et sans tenir compte d'une survie de plus en plus incertaine et de promesses d'outre-tombe qui depuis des milliers d'années n'ont pas été tenues, je crois que la fourmi est bien moins malheureuse que le plus heureux d'entre nous. Sa mère, lorsqu'elle fonda la colonie dans les tourments et les affres que nous avons entrevus, semble avoir acquitté une fois pour toutes le lourd tribut que nous payons durant toute notre vie. L'épreuve surmontée, le destin ne réclame plus rien, au lieu que pour l'homme, les maux renaissent chaque jour. Elle a d'abord, ce qui est très important et le support de tout, une santé, une vitalité indestructible. Une fourmi décapitée continue de vivre durant une vingtaine de jours et jusqu'au dernier moment se tient sur ses pattes. Son corps, enfermé dans une coque plus résistante que nos plus épaisses cuirasses, possède des entrailles et des viscères fibreux, et les fonctions digestives, notre abominable tare, y sont à tel point réduites et si parfaites qu'elles ne laissent presque pas de déchets. Elle n'est qu'un comprimé de muscles et de nerfs, et rien ne peut nous donner une idée de l'énergie accumulée dans ses membres. Elle est pourvue d'un tel excédent de puissance qu'elle ignore, a fait remarquer Rémy de Gourmont, les lois de la gravitation, monte et descend à pic, comme elle évolue sur un plan. Elle ignore également les épidémies et toutes nos maladies. On ne sait pas quand elle est morte, tant elle ressuscite aisément. Misfield a fait à ce sujet des expériences passablement cruelles, mais convaincantes. 4 fourmis sur 7 revinrent à la vie après avoir été tenues sous l'eau pendant 8 jours. Elle en fit jeûner d'autres, ne leur donnant que de l'eau sur une éponge stérilisée. 9 Formica subsericea résistèrent de 70 à 106 jours. Sur un grand nombre de fourmis soumises à cette épreuve, il n'y eut que 3 cas de cannibalisme, et le 20e, le 35e, le 40e et le 62e jour de jeûne, à demi mortes de faim, certaines d'entre elles parvenaient à donner encore par régurgitation une goutte de miel à celle de leur compagne, dont l'état semblait désespéré. Elles ne sont sensibles qu'au froid qui du reste ne les tue pas, mais les endort et leur permet d'attendre dans un engourdissement économique le retour du soleil. Or, les grands fléaux naturels, gelées, sécheresses excessives, inondations, famines, incendies, qui menacent tout ce qui existe sur ce globe, or les guerres de peuplades à peuplades, qui finissent souvent par des adoptions et des alliances bienfaisantes, la fourmi redoutée de tous redoute peu d'ennemis. Rentrée chez elle, dans la salante souterraine qu'il faudrait mettre à l'échelle humaine pour en comprendre les avantages, elle n'a plus rien à craindre. Elle retrouve la paix, l'abondance, la fraternité totale. Malgré les perturbations, les excitations anormales auxquelles je les ai soumises dans les fourmilières artificielles, avant de parvenir à allumer un commencement de guerre civile, il fallait complètement les affoler, leur faire perdre la tête, leur infliger des épreuves qu'aucune cervelle humaine n'aurait résisté. Normalement, on n'a jamais vu 2 fourmis d'une même république se battre entre elles, se quereller, oublier leur patience, leur aménité. Alors que les reines des abeilles n'ont de cesse qu'elles n'aient massacré leurs rivales, les reines des fourmis s'entendent et se traitent comme des sœurs. Quand il s'agit de prendre une résolution dont dépendra peut-être le sort de la cité, l'abandon de la maison natale, une émigration, une expédition dangereuse, par des caresses antennales, surtout par l'exemple, elles s'efforcent de convaincre celles qui ne partagent pas leur avis. Il leur arrive alors, comme le dit fort bien Michelet, qui cette fois n'est pas trop sentimental, d'enlever l'auditeur qui ne fait aucune résistance et de le transporter au lieu, à l'objet désigné. Dans ce cas qui sans doute est celui d'une chose difficile à croire ou à expliquer, l'auditeur convaincu s'unit à l'autre, et tous deux vont enlever d'autres témoins qui, à leur tour, font sur d'autres, en nombre toujours croissant, la même opération. Nos mots parlementaires, enlever la foule, transporter l'auditoire, etc., ne sont nullement métaphoriques chez les fourmis. Au rebours de nous, elle a la chance d'être beaucoup plus sensible à la volupté qu'à la douleur. Amputée, tronçonnée, elle ne se détourne pas de sa route et s'empresse vers le nid comme s'il ne s'était rien passé. Mais qu'une sœur la sollicite, elle s'arrête et partage avec elle les ivresses du miel. Chez nous, le bonheur est surtout négatif et passif et ne se fait guère sentir que par l'absence de mots. Chez elle, il est avant tout positif et actif et semble appartenir à une planète privilégiée. Physiquement, organiquement, elle ne peut être heureuse qu'en faisant autour d'elle des heureux. Elle n'a d'autre joie que les joies du devoir accompli qui, pour nous, sont les seules qui ne laissent pas de regrets, mais que la plupart d'entre nous ne connaissent que par oui-dire. Les transports de l'amour où nous croyons nous dépasser et sortir de nous-mêmes ne sont au fond que de l'égoïsme, à ce point ramassé ou exaspéré qu'il frôle la mort ou l'anéantissement, c'est-à-dire cela même qu'il cherche à anéantir. La fourmi en connaît d'autres qui, au lieu de la contracter, l'épanouissent, la multiplient, la répandent à l'infini parmi ses innombrables sœurs. Elle vit dans le bonheur parce qu'elle vit dans tout ce qui vit autour d'elle, que tous vivent en elle et pour elle, comme elle vit en tous et pour tous. Elle vit surtout dans l'immortalité, parce qu'elle fait partie d'un tout que rien ne peut anéantir. Si étrange que paraisse au premier abord l'assertion, la fourmi est un être profondément mystique, qui n'existe que pour son Dieu et n'imagine pas qu'il puisse y avoir d'autre bonheur, d'autre raison de vivre que de le servir, de s'oublier, de se perdre en lui. Elle est tout imprégnée de la grande religion primitive, le totémisme, la plus ancienne, la plus chargée de millénaires, la plus générale que l'homme ait pratiquée. À la racine de toutes les autres religions et de tous les dieux, le totémisme est la première recherche, la première conquête par ce qui meurt, de ce qui ne meurt point. Le totem était l'âme collective de la tribu. Nos plus lointains ancêtres, comme le dit justement l'égyptologue Alexandre Moret, croyaient leur âme en sûreté parce qu'elle était liée au totem, c'est-à-dire à une espèce animale ou végétale ou à une classe d'objets qui ne pouvaient tous périr. À la mort de l'individu, le totem, âme collective immortelle, récupérait cette parcelle émanée de lui pour une passagère existence. Évidemment, la fourmi ne se dit pas de ces choses, et nos ancêtres ne se le disaient pas davantage. Ce n'est pas ce qu'on se dit ni ce qu'on pense qui agit le plus profondément, mais elles sont la substance de sa vie, et l'on ne sait quel instinct épars dans tout ce qui respire les murmures en elle. Son totem est l'esprit de sa fourmilière, comme le totem de l'abeille est l'esprit de sa ruche. L'homme primitif avait l'esprit de son clan. À la place de celui-ci, nous n'avons plus que quelques fantômes évanescents qui bientôt disparaîtront à leur tour. Il ne nous restera que notre existence d'une heure et nous nous sentirons de plus en plus isolés, de moins en moins défendus contre la mort. Nous avons vu au début de cette étude que des fourmis, aussi civilisées que les plus civilisées d'aujourd'hui, des fourmis à bétail et à coléoptères de luxe, se trouvent déjà dans l'ambre de la Baltique, en d'autres termes, dans l'Oligocène et le Miocène, c'est-à-dire bien avant l'apparition de l'homme. Depuis des millions d'années, elles ne paraissent donc pas avoir sensiblement évolué. Pourquoi ? Peut-être, comme nous l'avons déjà dit, parce que quelques millions d'années ne suffisent pas à marquer une évolution. On ne peut hasarder que des hypothèses, attendu que comme le pré-homme, la pré-fourmi fait défaut. Mais de même que nous avons encore dans certaines îles des primitifs qui vivent comme vivaient nos ancêtres contemporains du mammouth, il nous reste quelques fourmis attardées qui n'ont pas suivi le mouvement général, notamment les ponérines, qu'on suppose descendues d'un type plus ancien appartenant à la faune mésozoïque ou secondaire. Ces dernières survivantes d'une espèce immémorialement éteinte sont à peine des insectes sociaux. leur colonie ne compte que quelques douzaines d'individus. Leur estomac n'est pas encore divisé et spécialisé. Elles sont presque exclusivement carnivores et ne pratiquent pas l'acte essentiel de la fourmilière, la régurgitation. Leur cuirasse est plus forte que celle des fourmis civilisées et elles sont munies d'un aiguillon redoutable. Car, vivant à peu près solitaires, les dangers qu'elles courent sont plus grands et l'association étant assez précaire, leurs larves sont capables de se nourrir sans l'assistance de leurs parents. Il est pour le moment fort difficile de retrouver les étapes qui marquent l'ascension des misérables ponérines aux fourmis supérieures, car l'étude des premières, presque toutes australiennes, comme, curieuse coïncidence, nos derniers sauvages sont également australiens, est encore fort incomplète. D'autre part, entre le mésozoïque et l'ambre fossile ne subsiste aucune trace formicienne. Mais c'est évidemment dans cet immense inconnu du secondaire à la fin du tertiaire que s'est organisée et développée la vie sociale de la fourmilière, graduellement substituée à l'existence individuelle pour aboutir à ce qu'elle est aujourd'hui. N'étant pas comme elle physiquement et irrésistiblement altruiste, nous avons évolué en sens inverse. À l'immortalité collective, nous avons préféré l'immortalité individuelle. Mais nous commençons à douter qu'elle soit possible, et en attendant, nous avons perdu le sentiment de la première. Le retrouverons-nous ? Le socialisme et le communisme auxquels nous allons marquent une étape dans ce sens. Mais, dépourvus de l'organe nécessaire, pourrons-nous nous y arrêter et y prospérer ? Ce premier espoir d'immortalité collective, dont les restes luisent encore comme des tisons dans l'instinct et la pensée des pères de famille, qui revivent ou continuent de vivre en leurs enfants, on peut se demander s'il n'était pas au fond le meilleur, le mieux fondé, le plus sage, et s'il ne faudra pas y revenir un jour quand tous les autres paraîtront chimériques. Peut-être même devrons-nous aller beaucoup plus loin et nous résigner enfin à l'immortalité cosmique, qui est la seule indiscutablement, inébranlablement certaine et que nous avons tort de confondre avec l'immortalité du néant qui ne peut résister. Mais quand serons-nous de taille à l'accepter sans désespérer ? On dirait que la nature ne sait pas ce qu'elle veut, ou plutôt ne fait pas ce qu'elle veut, que quelqu'un lui retient le bras pour l'empêcher de trop bien faire. Dans les vieilles légendes scandinaves, on parle des temps où Satan régnait encore. Ces temps sont-ils révolus ? Ou bien, si ce n'est la nature, est-ce un démiurge ou un de ces innombrables dieux d'autrefois, Hormuz ou Hormats, par exemple, le père de la lumière et du peu de bien dont nous jouissons, comme le croyaient les Persans, contrariés par Ahriman, souverain du mal et du néant. Explication à laquelle il nous faudra peut-être revenir par on ne sait quel nouveau détour, comme y est revenu le christianisme, par le mythe du démon, puisque tout semble expier un crime que personne n'a commis, attendu que celui qui le punit en est seul responsable. Dès que l'on pose des questions qui sortent du pauvre cercle, large comme une assiette, où nous passons notre existence, les réponses sont forcément incertaines, balbutiantes, primitives, contradictoires, et n'ont fait que quelques pas enfantins depuis l'origine des religions et des philosophies. Notre voie n'est assurée, péremptoire, notre pensée sans hésitation, que lorsqu'il s'agit de notre misère, de nos petites passions, de nos petits vices et de l'heure des repas. L'inconnaissable qui nous mène, ne sachant au juste où il allait, a-t-il voulu faire trois essais sur les termites, les fourmis et les abeilles, avant de lancer dans le temps ou l'éternité l'homme, sa dernière pensée et le dernier venu des animaux ? Serions-nous la quatrième épreuve et très probablement la quatrième expérience manquée ? Est-il possible de tirer des trois tentatives précédentes quelques présages de notre propre sort ? Il faut bien s'y intéresser. Il faut tout interroger. Évidemment, mieux vaudrait s'adresser d'abord à nos propres électrons, qui sont aussi vieux que les mondes. Ils nous diraient tout, puisqu'ils doivent tout savoir. Quand nous parlons, c'est eux qui parlent. Mais ils gardent le silence sur ce que nous sommes pas à même ou sur ce que nous n'avons pas encore mérité de comprendre. Faute d'eux, tournons-nous vers ce qui nous ressemble le plus sur cette terre, nos insectes sociaux. Nous n'avons pas d'autres repères. C'est sous sa triple forme, l'unique analogie, l'unique contre-épreuve, l'unique préfiguration qu'on découvre. Ce miroir à trois faces est jusqu'ici le seul où nous puissions chercher une image de notre destinée. Si petits que soient les acteurs de ces drames, ils ont leur poids et leur importance, car nous savons fort bien que dans l'infini où nous nous trouvons tous, la taille ne compte point, et que ce qui se déroule dans les cieux obéit aux mêmes lois que ce qui se passe dans une goutte d'eau. Laissons pour l'instant les termites et les abeilles qui s'agitent dans le même problème et tenons-nous aux fourmis. Les voilà donc parties des ponérines et arrivées où nous les trouvons. Jusqu'où iront-elles? Sont-elles à leur apogée ou déjà sur le déclin, comme pourraient le faire craindre les ferments étrangers et morbides que sèment les parasites de luxe dans leur meilleure république? Ont-elles un autre avenir devant elles? Qu'attendent-elles? Voilà des millions d'années qui n'ont pas compté, par conséquent des milliards de milliards de vies et de morts qui n'ont pas compté davantage. Qu'est-ce qui compte, enfin? Ont-elles atteint leur but, et quel est donc ce but? Si la terre, la nature, l'univers n'en ont pas que nous puissions entrevoir, pourquoi en en aurait-elles? Pourquoi en aurions-nous en un? Naître, vivre, mourir et recommencer jusqu'à ce que tout disparaisse, n'est-ce pas suffisant? Quelqu'un ouvre un œil dans la nuit, voit un coin de terre ou de mer, quelques étoiles, une face humaine, puis le referme pour toujours. De quoi se plaindrait-il? N'est-ce pas ce qui nous arrive? Tout, ne fût-ce qu'une seconde, ne vaut-il pas mieux que de n'avoir pas été? À quoi ont-elles servi? À quoi voulez-vous que nous servions, nous-mêmes, quand nous aurons atteint le sommet de la courbe? À rien qu'à permettre à quelques phénomènes physiques que nous appelons spirituels quand ils se passent dans notre cerveau de se répéter indéfiniment, de trouver à la rigueur quelques combinaisons différentes dont aucune ne sera définitive et ne conduira à quoi que ce soit qui n'ait été. Enfin, où vont-elles? Que deviennent-elles quand elles sont mortes? Pourquoi sourire à ces questions quand il s'agit d'insectes et les prendre au sérieux quand il s'agit de l'homme? La différence d'eux à nous est-elle suffisante? Nous avons à chaque pas le pressentiment de leur intelligence, et il nous faut nous roidir contre l'évidence pour ne pas la reconnaître. Nous ne sommes plus ici en présence de pierres, de végétaux ou de brutes soumises à l'instinct, mais à côté d'existences qu'une membrane transparente sépare à peine de la nôtre, car il faudrait fort peu de choses pour que, sur bien des points, elles fussent nos égales. Et de ces points mystérieux, dans notre ignorance, nous sommes assez mauvais juges. Est-ce qu'un peu plus ou un peu moins d'activité cérébrale change de fond en comble les lois de l'univers, de la justice et de l'éternité, assure l'immortalité ou la rend à jamais impossible? Ce que nous avons le plus de peine à admettre, c'est qu'il ne se forme pas dans l'espace ou le temps une sorte de réserve où s'accumuleraient les fruits de toutes ces expériences, de tous ces efforts, de toutes ces luttes contre le mal, la misère, la souffrance, l'imbécilité, la matière. Qu'un jour, tout sera perdu, tout sera à recommencer comme si rien n'avait été fait, et que si le pire aggrave les maux et nuit à tout le monde, le meilleur ne modifie rien et ne profite à personne. Le grand signe qui nous sépare de tout ce qui respire, est-ce notre mécontentement ? N'exigeons-nous pas trop d'une planète de dixième, voire de dix millième ordre? Elle fait ce qu'elle peut, elle donne ce qu'elle a. Mais qui nous dit que les autres êtres qui la peuplent ne se plaignent pas également? Sommes-nous seuls à espérer qu'il y ait mieux? Est-ce cette pensée qui nous met à part? On se demande du reste d'où elle peut nous venir, puisque nous n'avons jamais quitté notre terre, ni connu d'autres modèles que ceux qu'elle nous offre. L'idée qui juge et condamne peut-elle être formée de ce qu'elle juge et condamne? En tout cas, puisque nous l'avons et qu'elle nous différencie de ce qui nous entoure, ne la négligeons point. C'est sans doute la seule qui nous vienne d'outre-terre. Ici se termine La vie des fourmis de Maurice Maeterlinck, prix Nobel de littérature.